French in Action, Lesson 13. Leçon 13. Rencontre. Le quartier latin à Paris. C'est une très belle matinée de printemps. Il est 11h. C'est le 29 mai. Il y a une grève d'étudiants, évidemment. Robert, un jeune Américain, vient d'arriver à Paris. En ce moment, il est dans la cour de la Sorbonne. Il sourit à une jeune fille. Mireille, une jeune Française qui étudie l'histoire de l'art, est aussi dans la cour de la Sorbonne. Elle sourit à un jeune homme. Un autre jeune homme traverse la place de la Sorbonne. Il a l'air de s'ennuyer. Il s'approche d'une jeune fille et lui demande du feu. « Tiens, ah mais c'est Jean-Pierre Bourdon. Pardon, mademoiselle, est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît ?» La jeune fille le regarde sans répondre et s'en va. Pendant ce temps-là, au deuxième étage de la Sorbonne, une dizaine d'étudiants attendent devant un bureau. Un jeune homme arrive. C'est Jean-Pierre Bourdon. Il examine la situation et tout de suite se dirige vers la tête de la fille. Il s'approche d'une jeune fille brune qui porte une robe violette. Tiens, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça va depuis l'an dernier? La jeune fille le regarde étonnée. Comment vous ne me connaissez pas? Mais si, voyons, rappelez-vous l'été dernier à Saint-Tropez. Moi, à Saint-Tropez. Impossible. D'abord, j'ai horreur de Saint-Tropez. Les nanas, les fils à papa et les yachts, c'est vraiment pas mon genre. Et puis, je déteste l'été. Je passe tous mes étés en Patagonie. Parce que l'été, là-bas, c'est l'hiver. Élémentaire, mon cher Watson. Vous voyez, votre truc avec moi, ça marche pas. Des voix dans la queue commencent à protester. Il leur pas de respirer. Hein. Mais ça va, j'y vais à la queue, surtout même plus de régression. Passons maintenant, où va-t-on? Il va se placer au bout de la file. Il s'approche d'une jeune fille qui porte une robe verte. Pardon, mademoiselle, vous avez du feu? Non, je ne fume pas. Demandez à Jean-Luc. Bien, voilà. Et il tend son briquet Bic. Merci. Je m'appelle Jean-Pierre Bourdon. Et toi? Jean-Luc Marchand. Ah. Et vous? La jeune fille continue sa lecture sans faire attention à Jean-Pierre. Elle s'est amie. Son frère Philippe, Nadia, Ousmane, des copains. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Je fais de la sociologie et du droit. Ah, t'as raison. Le droit, ça mène à tout. Il se tourne vers Annick, qui continue à ne pas faire attention à lui. Et vous? Elle, c'est une matheuse. Ah ouais, ça m'étonne pas. Aujourd'hui, toutes les filles font des maths. C'est la nouvelle mode. Moi, j'ai une copine qui vient d'entrer à l'IS. Bien sûr, vous. Elle veut se spécialiser en informatique. C'est un truc qui a de l'avenir, en informatique. La biologie aussi, ou l'astrophysique. Moi, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Pour l'instant, je fais une maîtrise de psycho. Je vais peut-être faire médecine. Ou alors psychanalyse. En tout cas, les filles font leur beurre, c'est sûr. Ou alors, peut-être que je vais faire HEC. Tu n'as pas l'air très fixé. Bon. Non. Je ne veux pas me dire trop jeune, c'est trop dangereux. Et quel âge as-tu au juste? Moi, j'ai 29 ans, pourquoi? Non, rien comme ça, pour savoir. Jean-Pierre s'approche de la fenêtre. Il regarde dans la cour et appelle Jean-Luc. Hey, viens voir. Une fille formidable là-bas. Quoi? Là, c'est la piscine de Garbeau. Sans blague. Où ça? Là, dans la cour, là, à droite. Laquelle? Celle avec le pantalon blanc, le chemisier bleu et vert et le foulard. Mais non, pas celle-là. L'autre, à côté. Ah, la blonde? Mais non, pas celle avec le pull blanc. Cette horrible jupe rouge de prisonnier qui sourit d'un air imbécile. Non, la rousse, avec le jean gris et la veste noire. Quoi, tu la vois pas ou quoi? Je la connais, la rousse. Elle fait du russe, au Lanzo. Mais ce n'est pas l'attitude de Greta Garbo, hein. D'ailleurs, Greta Garbo n'a jamais eu d'enfant. En tout cas, elle est très bien quand même, hein. Tenez, il y a un drôle de type qui s'approche d'elle. Un type avec un affaire noir et un chapeau noir. Il va essayer de la draguer, c'est sûr. Ça y est, il lui demande du feu. C'est classique. C'est même un peu élémentaire. Ça oui, je crois qu'on peut le dire. Ça ne doit pas marcher souvent, ce truc. Et comment est-ce que tu fais, toi, pour engager la conversation? Ben, je sais pas, moi. Il y a plein de trucs. Ce sont pas les trucs qui manquent. Bon, tenez, par exemple, vous dites, tiens, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça va depuis l'an dernier? Bon, la fille vous regarde, elle est étonnée. Comment? Vous ne me reconnaissez pas? Vous ne vous souvenez pas de moi? Mais si, voyons, l'été dernier à Saint-Tropez, ou l'hiver dernier à Courchevel, ou en Patagonie, ou bien l'année dernière à Marienbad. Comment? Vous n'êtes pas... Et vous dites un nom. Catherine Deneuve, Greta Garbo, Jacqueline Dupont, n'importe quoi. Non? Oh ben alors là, c'est fou ce que vous lui ressemblez. Mais alors, où est-ce que vous passez vos vacances? Enfin voilà, ça c'est un truc qui marche à tous les coups. Hmm? Ou bien alors, je sais pas moi... Vous faites semblant de tomber devant elle devant un escalier. Ou bien, voilà, vous laissez tomber des papiers devant elle, elle vous aide à les ramasser. Vous la remerciez? Et voilà, c'est parti. Ça, ce n'est pas bien neuf. On connaît, on n'avait rien de mieux. Jean-Pierre ne répond pas à Annick et il regarde sa montre. Oh bah dis donc, ça ne va pas vite, hein. Ça fait longtemps que vous attendez? Une bonne demi-heure. 38 alors. Je peux pas rester, moi. J'ai un rendez-vous avec une fille superbe à l'escalier. Je me sauve. Il s'en va. Ah là là, il est tuant, ce mec. Une fille superbe, on dirait qu'il parle d'un cheval. Pour qui se prend-il? Quel horrible dragueur! Il s'imagine que les filles sont là que pour lui tomber dans les bras, peut-être. Il n'est même pas beau. Quel tête d'idiot! Moi, ça me tue des petites comme ça. Bon, puis il n'est pas bien malin, mais il est offensif. Eh bien, c'est ça! Défends-le! Ah, vous êtes bien tous les mêmes, vous les hommes. Tout ceci s'écrit. Tu peux inscrire toi et ménage, toi, maintenant? Quand je vois des petites comme toi, j'ai bien envie de m'inscrire, tiens. Hein.